comme dans 100 mails, tu sais, 100 mêlés, mais aussi 100 mêlés. T'sais. En effet, c'est un jeu de mots. Apparemment, c'est seulement 10$ en prévente ou 12$ à la porte. Jeudi 19 février, je l'ai noté à mon agenda. Hey, je pense que t'as du sucre à la crème dans l'oreille. Lundi au jeudi, l'équipe d'assemblage requis travaille fort sur le chantier. Musique, improvisation, plein air, télé, santé, alimentation, loisirs, tous les éléments sont là pour débuter votre journée sur une fondation solide. Ah, et le port du casque, des bottes et des lunettes est obligatoire pour nous écouter. Mensonges et calomnies! Assemblage requis avec Mathieu Plante, Stéphanie Paradis et leurs amis, du lundi au jeudi de 6h30 à 9h30. En direct à partir de 7h30. À Trois-Rivières, c'est le 89. Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle émission de Rock de Neurones en ce lundi 16 février 2015. Vous êtes en compagnie de Jimmy Farley pour les deux prochaines heures. Je m'occupe de la mise en onde et du choix musical avec la collaboration habituelle de Denis Marchand et Yves Farley. Vous pouvez nous écouter aussi en direct sur le web à cfou.ca et à partir de l'application Cfou Live sur iPhone. Nous avons aussi en rediffusion sur SoundCloud l'émission pendant une durée d'une semaine. Et ce qu'il y a de nouveau à partir de cette semaine, c'est que les émissions sont archivées sur archive.org. Alors, vous n'avez qu'à écrire Rock de Neurone ou Jimmy Farley pour avoir devant vous instantanément le répertoire des émissions passées. En fait, il y en a 11 d'enregistrées. Ce soir à l'émission, qui en passant, j'ouvre la parenthèse, est un anniversaire spécial pour Rock de Neurones. C'est le deuxième anniversaire, ça fait 2 ans que l'émission est en onde ce soir. Et on est en selle pour une 3e année. Et on a encore beaucoup de matériel pour vous. Alors ce soir à l'émission, on a les Britanniques Whitewater, ça va être suivi de Anglagard de Suède. Nous avons en début de deuxième bloc une entrevue avec Mathieu Rancourt du groupe 5-4 Trio et ça sera suivi d'une pièce de leur plus récent album. Nous aurons Solaris de Hongrie, Hypnosis de Pologne, les Italiens Astrolabio, Cast du Mexique et nous allons conclure l'émission avec le groupe italien Museo Rosenbach. Alors, on débute l'émission avec un groupe britannique du nom de Whitewater. C'est un groupe qui est assez récent sur la scène du prog. Ils ont un album qui est paru en 2013 et ce soir, on va entendre une pièce de leur prochain album qui est prévu pour avril. Alors, on a en pre-order, en pré-achat, en fait, une pièce, la pièce titre de l'album qui s'intitule « Obscured by Sun ». Alors, on va y aller tout de suite. Et si vous êtes attentifs, vous allez reconnaître dans les 3 premières secondes des notes d'une pièce assez connue de Pink Floyd. Alors, voici « Whitewater ». Caught between Alors, c'était White Water avec la pièce Obscured by Sun. C'est tiré de l'album qui va apparaître en avril, qui va aussi s'intituler Obscured by Sun. On enchaîne avec Anglagard, ce groupe suédois qu'on a déjà entendu à l'émission depuis quelques semaines. Et on y va avec un quatrième extrait de l'album Live in Japan et la pièce s'intitule Kong Bury. Alors, voici Anglagard. Yeah, now we're gonna play a song from the first album, and a song that we haven't been playing for almost 20 years. It's an old one. Kung Bure. Skuggan utav sorg, drömmar som har slocknat från ett liv som haft sin tid. Inte kan jag stå och se på då vi flyr. Verklighet och sanningar där moralen är fantasi. Det är du själv som väljer. Det är du själv som sväljer. Det är sagor och lögner och fjäsk. Är det sant att även det som talar högt, starkt och rätt planterar döda blommor, då kan det inte vara lätt för människan att tro på Gud, att han är stor. När tystnaden breder ut sig He hyser terrorn. Är du själv som väljer? Det är du själv. Alors, c'était Anglagarde avec la pièce Kung Bure et c'est tiré de l'album Live in Japan. Après la pause, Five for Trio de Québec et Solaris de Hongrie. Vous êtes à l'antenne de C'est fou FM 89.1 à Trois-Rivières et à l'écoute de Rock de Neurone, une émission consacrée au rock progressif. On débute le deuxième bloc avec une entrevue avec Mathieu Rancourt du groupe Five for Trio qui seront au Zénoble samedi 21 février 2015. Et j'aurai à la suite de l'entrevue une pièce de leur plus récent album. Alors, je vais laisser Mathieu nous présenter son groupe. Donc, Mathieu, bienvenue à l'émission et j'aimerais ça que tu me présentes le groupe en débutant, par exemple, qui sont les membres du groupe? Oui, en fait, le Fire for Trio, on est un trio de Québec. Moi, je m'appelle Mathieu Rancourt, ben, je suis à contrebasse avec moi, avec dans le groupe, en fait, il y a Sylvain Saint-Onge à la guitare, Jean-François Gingras à la batterie. C'est un trio de Québec. Nous autres, dans le fond, pour dire ce qu'on fait, souvent on dit qu'on fait du jazz. C'est vrai que c'est du jazz très progressif, donc c'est pour ça que je pense que les amateurs de votre émission, ils vont aimer ça, ce qu'on fait. Parce que c'est ça, c'est très progressif comme musique. OK, puis étant donné que les amateurs sont assez variés, parce que le rock progressif, on s'entend qu'il y a plusieurs branches, là. Moi, je passe du néo-prog au jazz fusion, je passe par le zeul, le krautrock. Vous autres, est-ce que vous auriez un amalgame d'influences ou si vous êtes campé sur un style bien particulier? Non, c'est ça, on a un amalgame là, assez varié, plusieurs styles, là, dans le prog, autant que dans le jazz, que dans le rock, que dans parfois le metal, que la musique classique. Mais tu sais, si on veut nommer des groupes, là, par exemple, dans la scène prog, on est beaucoup influencé par des groupes comme Gentle Giant, dans le plus vieux prog, ou dans le plus moderne, là, Between the Buried and Me, qui est un groupe de prog plus metal, en fait. Okay. Sinon, sinon, c'est ce que les gens nous disent. Nous autres, on en écoute plein mais de toutes sortes, mais ce que les gens nous disent souvent, c'est qu'ils trouvent que... On nous parle souvent de Yes quand on nous écoute, ou de Genesis, okay. De Rush parfois aussi. Oui, OK. D'ailleurs, c'est ça ma sous-question. Vous vous adressez à quel type d'amateur, justement? Vos feedbacks viennent... Là, tu m'as donné un petit exemplaire, là, mais votre feedback vient... Il arrive comment à vos oreilles, là? Ben c'est ça, c'est souvent ces groupes-là qu'on nous parle. Comme Rush revient souvent, Yes aussi. Sinon, c'est beaucoup des musiciens de jazz là, qui sont dans la vague plus moderne, plus ouverte aux autres genres, là, qui font pas simplement du jazz, là, qui font du jazz métissé avec beaucoup d'autres styles. Parfois, on nous parle aussi du Zeb, mais moi, je pense pas, puis il n'y a pas vraiment grand monde qui pense qu'on sonne comme Zeb, mais par exemple, comme eux, ce qu'on fait, c'est qu'on mélange des styles, puis qu'on arrive avec une nouvelle approche si on veut. Là, on peut nous comparer à UZ. Sinon, il y a aussi tous les fans là, de musique jazz, là, un peu plus du monde, comme la musique d'Avishai Cohen ou de Shai Maestro, ou de toute la vague de musiciens qui sont en ce moment à New York, mais qui viennent d'Israël ou de Jérusalem. Ces musiciens-là, ou comme Tigran Massian, le pianiste, qui lui est arménien, mais qui vit à New York maintenant. Oui. Cette vague-là, c'est tout un peu des choses qui sont comme un peu dans notre... OK. Quand tu fais référence à des gens d'Israël qui vivent à New York, moi, j'ai vu à la convention Interincognita le printemps passé, un dénommé Gadi Kaplan. Là, je ne sais pas si c'est dans vos connaissances. Je connais pas, il joue quoi, lui? Il joue de la guitare, puis il a fait deux albums à date, là, autoproduits. Là, d'ailleurs, vos albums, vous avez passé par quel processus? Là, j'ai vu que sur votre site Internet, vous aviez déjà eu un EP là, génétiquement modifié, puis là, aujourd'hui, vous arrivez avec un nouvel album qui s'appelle Witness and Reactions. Ça a été quoi votre démarche puis votre processus pour en arriver là? Ben, en fait, le premier, le EP, j'ai été modifié, lui, on l'a enregistré, parce que dans le fond, nous, on s'est rencontrés à l'Université Laval. Jean-François et Sylvain, eux, ils se connaissent depuis le maternel, mais moi, je les connaissais pas. On s'est rencontrés en étudiant en musique. Là, tous les trois, on est des étudiants. Ben, on est rencontré où on est encore des étudiants en musique. Puis c'est là qu'on s'est rencontrés. Donc, dans le fond, le premier EP, on l'a enregistré dans le cadre d'un cours à l'Université Laval. Puis c'est quand même un peu comme ça que ça a parti, parce qu'on avait déjà des compos, ça faisait longtemps qu'on jouait ensemble, mais là, on s'est comme inscrit un cours où on pouvait enregistrer un petit démo, fait qu'on l'a fait comme ça. Puis après ça, on a vu que ça marchait bien avec le lancement, puis tout ça, puis les gens nous suivaient avec notre site Internet, tout ça. Puis là, on avait d'autres compos, fait que là, on est allé enregistrer un album. Lui, on l'a complètement autoproduit nous-mêmes, en allant enregistrer chez David Champoux, qui est un studio à Cap Rouge, qui d'ailleurs nous a beaucoup aidé. Là. Il a aidé à la réalisation de l'album. Donc, carrément, on me disait que le corps du son, c'est un peu lui qui l'a fait. Là. On a chacun notre corps, nous trois, et lui. Okay. Puis, on l'a complètement autoproduit là, en allant enregistrer nos compos. Là-dedans, il y a une des pièces que c'est une compo d'un de nos amis aussi de l'Université Laval. Sinon, les autres, c'est toutes des compos de nous autres, de nous. OK, ce sont toutes des pistes, des pièces originales. Oui, c'est ça. Il n'y a aucune qui avait déjà été enregistrée auparavant. OK, OK. J'ai vu aussi que vous avez une cinquantaine de spectacles. Là. Votre auditoire, est-ce qu'il est varié en termes de... Avez-vous un public cible ou si vous êtes ouvert à toutes les générations? Ben, nous, on n'a pas de public cible, mais c'est parce qu'à force de jouer ça, au début, on ne le savait pas, mais à force de jouer, on se rend compte que n'importe qui peut aimer ça. Souvent, il y a des gens qui viennent nous voir et qui nous disent qu'ils aiment ce qu'on fait et qu'ils sont surpris parce qu'ils n'aiment pas le jazz du tout ou ils n'écoutent pas vraiment ce style-là. Mais en même temps, c'est sûr que c'est, y a personne, c'est normal qu'il y ait personne qui écoute ce style-là parce que c'est un style qui existe, c'est dur à qualifier. Là, il y a plus tellement de styles qui sont mélangés qu'en fait, finalement, tout le monde écoute un peu ce style-là, tu sais. D'ailleurs, la pièce qu'on va entendre après l'entrevue, moi, j'ai écouté avec mon, comment je dirais bien ça, mes oreilles d'ayatollah du progressif, là. Ouais. Et puis, j'ai trouvé le son très bon et très pur. Et puis, je suis partisan, moi, des notes qu'on est capable de discerner aussi, là. Alors, votre album, il est très bien construit à ce niveau-là. Il est pas, comme dirait Salieri dans le film Mozart, il n'y a pas trop de notes. Ouais. Mais je pense que c'est une des choses qui tu sais, nous autres, on est dans le prog pour ça, pour la façon qu'on compose nos pièces, la façon que c'est que la forme de la pièce se passe. Oui, puis l'ambiance en même temps, aussi. C'est ça, l'ambiance prog, puis tu sais, ça varie, puis il y a plusieurs variations dans l'intensité dans la pièce. Mais en même temps, tu sais, il y a le côté jazz de l'orchestration, tu sais, c'est de la contrebasse que je joue à la principale, la plupart des pièces. La guitare, elle a souvent un son clean. Puis le son, il est assez acoustique, là. Il est pas trop altéré, donc ça sonne... tu sais, quand on nous voit live, là, on entend les nuances là, très fortes, comme un groupe de jazz. Là. Oui, OK. Et puis le spectacle, justement, que vous allez faire au Zénoble le 21 février, est-ce que vous allez cibler un album en particulier ou c'est votre répertoire plus large? En fait, au Zénoble, on va faire les pièces de Witness and Reactions beaucoup. On va aussi faire... quelques pièces de l'ancien album de TLP, mais on a aussi des nouvelles pièces là, parce qu'on travaille sur le prochain album, donc on devrait en casser quelques-unes à Trois-Rivières. OK, puis en parlant de l'album, je sais qu'on peut vous trouver sur Bandcamp, entre autres, sur CD Baby aussi, mais l'album physique, là, est-ce qu'on peut se le procurer facilement sur votre site web, par exemple? Oui, sur notre site web, c'est possible de le commander. Il y a plusieurs façons, là. Je vais essayer de résumer rapidement. Notre site web, c'est fireforttrio.com. Ça s'écrit 5 en chiffres, fortrio.com. Mm-hmm. Là-dedans, il y a l'onglet album. Donc, pour commander l'album physique sur Internet, il y a plusieurs choix. On peut le commander directement sur notre site via PayPal. Sinon, sur CD Baby, on peut le faire aussi. Sinon, sur Bandcamp, on peut le faire. Sinon, notre album, il est en vente dans des magasins Archambault, mais à Québec, à Saint-Georges aussi. Il y a chez Sillon à Québec. Puis, ouais, pour le moment, c'est les seuls magasins où est-ce qu'il est disponible sur étagère. OK. Bien, écoute, pour l'instant, c'est le seul temps que j'ai à ma disposition pour l'entrevue. Et je pense qu'on va pouvoir bonifier l'entrevue avec la pièce qu'on va entendre tout de suite, qui s'appelle Inner Revision, qui est tirée de l'album Witness and Reaction. Alors, Mathieu Rancourt, je vous remercie beaucoup et puis on vous souhaite un très bon spectacle. Bien, merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Thank you. Alors, vous venez d'entendre le groupe 5-4 Trio avec la pièce Inner Revision. C'est tiré de leur plus récent album Witness Reactions. On vous invite à aller voir leur prestation au Zenob ce samedi 21 février. Alors, on termine le deuxième bloc avec un groupe hongrois du nom de Solaris. Et ce groupe est connu pour leur premier album avec une très, très bonne note reçue sur Prog Archive. Ça s'appelait Martian Chronicles. Et c'est en 1984 et 30 ans plus tard, ils reviennent avec la partie 2 de cet opus. Et ça se trouve être seulement leur quatrième album studio en 30 ans. Alors, on va entendre la pièce Tetel qui est extraite de cet album-là, qui s'intitule, encore une fois, Martian Chronicles 2. Alors, ce que vous venez d'entendre, c'est le groupe hongrois Solaris avec la pièce Tetel, qui est extraite de l'album Martian Chronicles 2, et c'est paru en 2014. Après la pause, Hypnosis, Astrolabio et Cast. Alors, on est au début du troisième bloc de l'émission Rock de Neurones, qui est consacrée au rock progressif, et vous êtes en compagnie de Jimmy Farley jusqu'à 22 heures. Alors, on débute le troisième bloc avec un groupe polonais du nom de Hypnosis, à ne pas confondre avec la compagnie de Roger Dean, qui est le fameux illustrateur de pochettes de rock progressif. Il n'y a aucun lien entre les deux. Alors, Hypnosis, c'est un groupe polonais avec deux albums parus, le premier en 2006 et le dernier en 2011. Et le claviériste du groupe a quitté pour d'autres fonctions, notamment sur une carrière de recherche sur le boson de Higgs. C'est intriguant un petit peu. Alors, vous allez peut-être... ça va peut-être transparaître dans la musique que vous allez entendre. La pièce s'intitule « Dr. Watt » et c'est extrait de l'album « Relusion » paru en 2011. Alors, voici « Hypnosis ». Thank you. Alors, c'était le groupe polonais Hypnosis avec la pièce Dr. What, et c'est extrait de l'album Relusion qui est paru en 2011. Alors, on enchaîne avec un groupe italien du nom de Astrolabio, qui est assez récent sur la scène du rock progressif en Italie. En fait, c'est un groupe qui émerge de la dissolution du groupe Electrosmog, on leur compte un album qui est paru en 2006, et Astrolabio a aussi un seul album qui est paru l'an dernier, vers la fin de l'automne, qui s'intitule L'Isolamento dei Numeri Pari, et la pièce qu'on va entendre, c'est Bricolage. Alors voici Astrolabio. Tra le idee nella cosa. sa più sensata che c'è. Sterili piagni stai, ma non sei ancora quello che tu sai. C'était Astrolabio, groupe italien, avec la pièce Bricolage, et c'est tiré de leur tout récent album L'Isolamento dei Numeri Pari. On conclut le troisième bloc avec le groupe mexicain Cast, qu'on a entendu la semaine dernière, et on reprend ça cette semaine avec une deuxième pièce extraite de l'album double Mosaïque, paru en 2006, et la pièce s'intitule Zona de Illusiones. Alors voici Cast. Thank you. Alors, vous venez d'entendre la pièce Zona de Illusiones